quoi l'interdit dans les écoles, comparé à une casquette, elles sont obligées de faire une croix sur le pubis sous prétexte d'un manque de respect. Voici la situation. Nous avons été placés ici suite à un enquête du gouvernement. J'ai été très sensible. J'ai fait des amis. Apparemment, le rebelle a été contrôlé. Je lui dis, mais récemment, les attaques se sont intensifiées. Notre boulot consiste à étouffer la révolution pour éviter ce genre de situation. Hey, Gus, tu connais de nos vies. Toi qui prétends tant nous connaître, qui sommes-nous certes, parmi ces milliers de gens qui pensent qu'il y a qu'un seul Dieu, ressens-le, posé dans mes écrits, une utopie maudite. Tous ces mécréants qui croient au Père Noël, sur chaque année qui passe, te souhaitant leurs meilleurs vœux. Comme Copperfield qui t'émerveille de tant d'illusions, n'attends pas des miracles, la paix n'est qu'abstrait, absent comme en Irak et en pleine colonisation. Signe d'un monde qui se dégrade, tel que d'autres pays en guerre contre l'humanité, celle qui nous a donné la chance de nous unir dans l'espoir de vivre d'amour et d'eau fraîche. De vivre d'amour et d'eau fraîche. Ceci dit, on prêche la bonne parole comme Alcom, que paix soit sur son âme. Et depuis, la couleur ne veut plus rien dire dans l'islam. Sache-le, car demain on fera peut-être plus partie de ce monde. Artisan de paix, on manque notre message et on reste vrai dans ce qu'on fait. Néanmoins, on vient se répandre, défendre la culture de nos origines. La foi comme seul repère et anime cette lumière qui prend ampleur dans nos cœurs. Constamment, on se contente d'anticiper les choses convenablement. Faire acte de présence et représenter à tout prix nos existences qui tombent sous vos tourments. Combien de frères sont partis, autrement dit que Dieu les préserve au paradis. Sorti de nulle part, je brandis mon sabre et trace les territoires des Moudjahidines. Pour ceux qui savent, je prends part de la vérité et t'en fais part à l'origine. Et t'en fais part à l'origine. Artisan de paix, artisan de paix, ouais, ouais, ouais. Chaque bonne action accomplie nous donne la bonne direction. Voici la qui blâme ma théologie qui s'habilite la roya. Riche sans mes rimes qui naissent étoilées. Artisan dans le sang comme la couleur de la paix. J'irai là où iront les miens. Artistiquement porter une touche d'espoir à tous ceux qui n'ont rien. Frangin, ça vient pas de Détroit. Mais direct du mi-septembre 1080 représente la tria. A jamais gravé toi l'histoire de ce monde. Et c'est ce qui nous donne droit d'espérer en fin de compte. Ça cogite et ça travaille dans l'ombre. À combat quand même tu sais sans pouvoir rompre le pacte de paix qui nous a été convié, déterminé à étendre nos pensées pacifistes. Contrairement à l'image qui nous donne celui d'un terroriste, il y a Malton face à des charognes. Arrête ton char, shalom. À force de charcuter, salam alaikum. L'espoir de mes frères n'est pas prêt de s'éteindre. Atteindre ses buts dans la certitude de venir à l'aide à tous ceux qui plaident l'innocence. Artisans de paix, on œuvre dans le silence avec respect. Et avance là où la croyance n'a jamais mis les pieds. En quête de territoire en guerre, c'est un fait. Afin d'instaurer la tranquillité sur cette terre. Afin d'instaurer la tranquillité sur cette terre. Ouais, c'est plus fort que moi. Ouais. J'ai la larme à l'œil. Souvent je porte le deuil, vois la mort de près. La faucheuse emporte nos âmes au sommet de l'immortalité. On se doit d'y croire, qui sait, la fin est trop proche. Ceci t'a rappelé à tous mes proches fidèles. Artisans de paix, on a la foi, la patience. Ça serait mentir de ne pas vouloir vous dire ne serait-ce que la vérité. Et si tout se repose sur la confiance et on continue de lutter. Si je t'en parle dans le fond, c'est pas pour autant te dicter la moralité. Mais bon, mais pour le bien de l'humanité. Le respect de l'homme fait partie de la norme. Tant de contradictions, porte du voile banni. Mariage homosexuel permis. Paix d'un monde bouffé par l'ennemi. Sans cesse à l'assaut d'essayants. Propos d'injustice, une voie de fait flagrant. Un gouvernement instable, incapable. Décision prise sans l'avis d'un peuple désorienté. La crise, un espoir qui se détériore. La troisième guerre mondiale s'annonce des mots comme terrorisme, assassinage, dénonce. Prostitution, enfantine, innocence d'une enfance malheureuse. Où nombreux sont les victimes, imagine. L'espoir de mes frères n'est pas prêt de s'éteindre. A chaque bonne action accomplie, ça cogite et ça travaille dans. J'irai là où iront les miens. DJH nous donne la bonne direction. Malvette, DSD, NJP, voici la Mahomet. La qui plate ma théologie. Déstabiliser la roya.